Rugissante, solitaire. Ode aux terres finies. Par Eric Arasim. Seul, et bien plus, intemporel, en quelques pages suprêmes, effacées par l'iroise, sollicite le chaos d'écume dans une moindre mesure. Belle harmonie fondue sur les quais d'amarrage, destin des vagues potentielles au soleil brisé de mille éclats. Sourde présence ouverte à l'horizon. Dans l'ailleurs se cache une lointaine transcendance. À travers le dédale promis de l'abysse magnifique, lieu de confluence des courants émeraudes dans les méandres des îles de granit. Plis et replis sur soi de la voile malheureuse, entraînant les coques des gabarres en perdition, aux aléas des nuances profondes, par-delà l'horizon sanctuaire, où cette clarté venue de l'ouest, comme ruisselant d'or, se faufile parmi les algues et les lagons. À la pointe du rat, la rugissante solitaire fait frémir les skippers qui tendent leurs mains sur les crêtes scélérates, s'écrasant à bâbord. Ils écartent le ciel d'un coup de barre et jettent l'ancre au plus profond de l'abîme pour nourrir les congres et les murènes. La démesure des flots aux accents de fureur se répand dans l'arrière-pays et ratissent les sables des plages en cale sèche, assoiffées de ressacs océaniques et de baïnes tueuses. Sur la côte, se soustrayant au regard, dans un extrême éloignement, les pentis, cerclés d'hortensias mauves, dévoilent leurs faîtages d'ardoises, courbés par le poids des tempêtes, et des récifs bigoudins faisant émerger de la houle toutes les épaves et les rafiots, gisant dans le tréfond des mémoires comme des ex-votos décorant les calvaires moussus, pour rassurer les femmes de Thonier, friandes de légendes et de déferlantes, à ne plus savoir qui croire, ni à quel saint se vouer. Elles entonnent leur dernier chant, marmonnant leur prière, avant le départ des braves, promis aux aléas des flots, ou au caprice du temps, à en décrocher la presqu'île de Crozon jusqu'au Glénan. Les derniers phares chancellent sous le poids des embruns vaporeux et des trombes tornadiques, ne sachant plus guider les filayeurs. Ils se perdent dans les brumes pour devenir épaves par-delà les récifs aiguisés, dans un dernier chahut, avant de s'éventrer avec fracas sur une terre émergée devenu cimetière au doux nom de Bréa. Ici se termine Rugissante solitaire, ode aux terres finies, par Eric Arasim. Illustration musicale, Debussy, La Mer, site museopen.org. Enregistré par Christiane Johan. Sous licence CC BY NC ND.